tout pour être l'un de l'autre, tout pour être l'un de l'autre, tout pour être l'un de l'autre, tout pour être l'un de l'autre. On regarde toujours au-dessus de soi. Le bonheur n'est-il simplement de précieuses années, on regarde toujours de travers, alors qu'il faudrait tout faire, tout pour être l'un de l'autre, tout pour être l'un de l'autre, tout l'un de l'autre, tout pour être l'un de l'autre. On regarde en fermant les yeux des histoires pour rester silencieux. On regarde en laissant se passer tout ce qu'on a toujours aimé. Tout pour être l'un de l'autre. Tout pour être l'un de love.